Baye bazana pe baye bazana pasi papa finance lo sanga na nga réaliser ba projet na yo e meri o faga auto école stan ni de bandai papa nexa mire ton sens ton na nga imo bimba papa ni ese moto na ko ki komele la mondo oyo sunga ka baye bazana pe baye bazana pasi stevi kuto Fila kembo e mama mbotie Ah, Sevi Oto Mbongo Arnaud Oto, Arli Oto, Sylvie Melmes, Mir Saya Un doyen missile, Chama Jigo Armé la Luna, Prince Longani Mania Midi, Soso, Kina Moni, Otena Beloka Malade, Estoma, Motema, Ewa, Tuple, Batempo Papotara, Mania, Soba, Alexis Afa, Nate Obambi, Fernand Akiana Siri Boy, Kenor Obambi, Bledi Obambi, Armel Abus, Brunette Obambi, Taylor Matou, Billy Debovila, Ange Mundele, Tony Tubur sur le préfet de Paris. Notonanga se réalise, Notonanga est comme il y a très bien. Et puis la tombe au bord, le savon à ma tombe au pouvoir. Kéliwara, via disque. Souffle de ma vie, la chair de ma chair. Ça la cabine, est-ce que mon cocaïne, il n'y a pas les mains. Boni, boni, boni, boni, boni, les sonavignes, moninga. Les ans de grâce, j'y décage de Dieu. Christa, mon frère, c'est Yamo. Un monde à commande, pour salir sa cabane, ton main. Pourquoi la haine? Pourquoi la haine? À la donnée, I'm